Alors le sang, dis-moi ce que t'es devenu. Ça fait un bail, c'est pour ça que je suis revenu. Je suis au casin, j'ai mis 500 sur le rouge. C'est tombé noir et je suis reparti banqueroute. Posé avec les potos, ça va rendre en Clio 4. Ramène des folles, ce soir on sort au B4. J'aime trop la night, j'aime trop les femmes. J'aime pas ton pote car il me fait trop le fan. Je vois des clips sur YouTube et y'en a beaucoup qui m'imitent. Alors j'innove, c'est comme ça que je les nique. Dans mon équipe, que des jeunes riches. À force d'aimer la rue, elle te donnera ce que tu mérites. On a fait l'argent, non forcément j'suis dans les temps. À force d'avoir les croches, tu finiras par perdre les dents. J'suis trop rusé, pas de marchandises vers perdre les temps. Il fait le gros gérant, mais c'est un guetteur à mi-temps. Tourbillon, tourbillon, tourbillon, j'me sens comme un tourbillon. Tourbillon, tourbillon, tourbillon, j'me sens comme un tourbillon. Et j'paranoïe de mon fils, et j'paranoïe. J'paranoïe de mes amis, j'paranoïe. J'paranoïe tard la nuit, je paranoïe. Et j'paranoïe tellement j'deviens parano, ouais, ouais. J'pars tout seul toute la nuit et j'paranoïe. J'évite les folles car dans ma chepo y'a folle. J'suis dans le hall, j'picole comme un Yvonne. J'ai les épaules, qui va me prendre le monopole. Que j'l'accueille avec un 3-40 bombe. Car à mon pompe qui fait rempart pom-pom. J'ai de la pure en provenance des tom-tom. J'la distribue seulement pour des grosses sommes. Pense à l'ancienne, rien qu'on rigolait. Contrôle des lits, moi j'le rionnais. Regard bizarre, je vais faire miauler. Tu te fais moulonner pour un violet. On a fait l'argent, non forcément je suis dans les temps. À force d'avoir les croches, tu finiras par perdre les dents. Je suis trop rusé, pas de marchandises vers perdre les dents. Il fait le gros gérant, mais c'est un guetteur à mi-temps. Tourbillon.